lever de rideau dans mon costume en strass. Je stresse, faut pas que je rate mon numéro. Y'aura sûrement un mec qui veut me griller mes tours. Mais bon, j'aurais qu'à le prendre comme assistant. Lui demander de faire comme moi, il n'y arrivera pas. Mon matos est truqué, le sien ne l'est pas. Il aura l'air bien con, mais ça lui apprendra à plus savoir rêver, tout ça pour se la jouer. J'ai une peur bleue de plus pouvoir faire mon métier. Je vois rouge quand on dévoile mes procédés. Je suis vert, les gens sont de moins en moins rêveurs à force de m'en faire voir de toutes les couleurs. Maintenant devant vous, le magicien Aigri. Magie. Télé, il révèle nos secrets, ça craint. Ça n'a vraiment pas d'intérêt au cinéma. Y'a trop d'effets spéciaux, alors les gens ne croient plus à ce qu'ils voient. Avec Harry Potter qui vole sur un balai, tous nos tours de foulard du coup paraissent désuets. Et avec internet on a accès à tout. Difficile de garder tous nos trucs entre nous. J'ai une peur bleue de plus pouvoir faire mon métier. Je vois rouge quand on dévoile mes procédés. Je suis vert, que j'en sois de moins en moins rêveur à force de m'en faire voir de toutes les couleurs. Maintenant devant vous, le magicien Aigri. Magie. À mon assistante, je ne fais plus d'effet. C'est elle qui me met en boîte en disant que je suis niais. Je préfère l'éviter, elle me pose des lapins. Fini le temps où on se tapait des mannequins. J'ai une peur bleue de plus pouvoir faire mon métier. Je vois rouge quand on dévoile mes procédés. Je suis vert, les gens sont de moins en moins rêveurs à force de m'en faire voir de toutes les couleurs. Maintenant devant vos grands yeux ébahis, le magicien Magie. J'en ai gros sur le cœur d'être sur le carreau. Et j'aimerais qu'on me pique avec mes animaux. Pour moi la magie était un rêve d'enfant. Maintenant je vends mes tours dans la galerie d'Auchan.